Chapitre 219. L'interdiction de jeûner dans la seconde moitié du mois de Charban, sauf s'il s'agit de la suite d'un jeûne déjà entamé ou si cela correspond à une habitude. Jeûner le lundi, le jeudi, etc. 1224. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf s'il s'agit de jours que vous avez l'habitude de jeûner le reste de l'année. » Al-Bukhari et Muslim. 1225. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne jeûnez pas avant le début du mois de Ramadan. Jeûnez à la vue de la nouvelle lune, annonçant le début de Ramadan, et rompez le jeûne lorsque vous voyez la nouvelle lune. Si le ciel est couvert, complétez le mois à 30 jours. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1226. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque vous rentrez dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban, arrêtez de jeûner. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1227. Abu al-Yaqdan, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma, a dit « Celui qui jeûne un jour sur lequel il y a un doute, le 30e jour de Sha'ban, mois précédant celui de Ramadan, aura de fait désobéi à Abu al-Qasim. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. »